Amore che cosa fai? Lontano je vais te marier. Il serait temps qu'on s'en aille. J'ai rechargé le barillet. Ma chérie, sache que t'es là. Sois ton avenir ensoleillé. De façon pour être honnête, tu n'as pas d'autre choix que m'aimer. Les mots ne sont que des mots. Les actes, on peut les nier. Mon amour sous les barreaux. Cet amour que tu as libéré. Il serait temps qu'on s'en va, d'arrêter de se cacher. Ce ne sont pas que des paroles. J'ai rempli la valise de billets. Bambina, tu as les yeux bandés. J'emmène loin de là. Regarde-moi, je saurai t'aimer. Pourquoi tu t'égares? Moi je veux ton bonheur, je veux te combler. Sous le ciel étoilé, la vida loca, que bella noche. On traversera les flots, avancer sans se brûler. Je prendrai tous tes problèmes, je serai ton bouclier. Ne regarde plus en arrière, n'oublions le passé. Je te le dis, je ne laisserai pas d'autre choix que de m'aimer. Et je vois tout en mal-être quand je regarde tes yeux. Ma chérie, sèche tes larmes, la vie sera plus belle à deux. Je prendrai toutes tes peines, regarde-moi dans les yeux. Je ferai de toi ma reine, je te le jure devant Dieu. Bambina, tu as les yeux bandés. J'emmène loin de là, regarde-moi, je saurai t'aimer. Pourquoi tu t'égares? Moi je veux ton bonheur, je veux te combler. Sous le ciel étoilé, la vida loca, que bella noche. J't'emmène loin de là, regarde-moi, je saurai t'aimer. Pourquoi tu t'égares? Moi je veux ton bonheur, je veux te combler. Sous le ciel étoilé, la vida loca, que bella noche.